Yeah. Le bon cru. Yo, homie. Boy Masters. Out here in Seattle, the big. Nigga, motherfucker, get off my head. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Bonsoir à tous, bienvenue dans les bons crus. Vous êtes avec Jérôme et Julien. Yeah. Et ce soir, on vous amène dans le côté obscur du rap underground. J'avoue. Donc qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? On vient d'écouter Ryder Clan. Donc le Ryder Clan. Le Ryder Clan qui est un groupe... tentaculaire. Ouais, voilà. De beaucoup, beaucoup de membres. Enfin, qui est... c'était un groupe... Je sais pas s'ils sont encore vraiment beaucoup actifs, mais... Une sorte de méga collectif. Voilà, un méga collectif, un peu comme ASAP Mob ou Haute Future, c'est voilà. Même genre de gros collectifs qui eux en fait ça a été créé par un mec qui s'appelle Space Ghost Purp qui a initié le truc en fait, et il avait fait ça en fait, il avait créé ce groupe en fait en 2008 avec lui et son cousin. Voilà. À l'époque, et ça s'est développé. Il a créé tout un concept avec un revival de tout ce qu'on on se disait hors antenne avec Jérôme, tout ce qui est horror rap, un peu tout ça, enfin tout ce qui est assez rap mystique, 36 Mafia, tout ça. Voilà, le rap un peu old school de Memphis qui a été popularisé par tous les membres de la 36 Mafia, et ils ont remis ça au goût du jour. Avec d'autres thématiques. Ouais, ils l'ont remixé avec des nouvelles thématiques. Ils ont aussi mixé un petit peu d'influence, que ça peut être aussi un peu de UGK aussi, en plus d'un voilà. Peu de rap de Houston, voilà. De la même Pimp époque. Pimp C, ouais, souvent. Pimp C, voilà. Et beaucoup. Puis certains ont même cité un peu des Gucci Mane, enfin ils ont commencé à sampler après. Mais ça c'était après. Ouais. Mais dans un premier temps, on était vraiment sur cette scène de Memphis. Donc ils ont appelé ça le funk. Enfin, c'est pas vraiment qu'ils l'ont appelé, mais c'est un mot qui est revenu souvent. Ouais, et c'est comme ça qu'on a nommé un peu cette musique. Ouais, P-H-O-N-K, du coup. Voilà, rien à voir avec le funk. Ouais, rien. Beaucoup plus sombre. Ouais. Et donc là, on écoutait un titre qui fait partie d'une compile du Rider Clan. Ouais, qui s'appelle Greatest Hit Volume 1. Les rappeurs, c'était Meuf et Young Simi. Young Simi, c'est un peu un des pionniers. Je parle à la création, hein, il y avait donc Space Ghost Bird, il y avait Chris Travis et Young Simi, c'est les trois vraiment qui sont restés, et Denzel Curry qui est arrivé après mais qui est devenu maintenant très très connu, mais c'était un peu les fondateurs, les piliers quoi de ce truc là quoi. Mais vraiment l'architecte entre guillemets de ce groupe, donc c'est Space Ghost Bird. Tout à fait, ouais. Space peu, Ghost Bird. Imprononçable. Ouais, mais c'est en fait, je sais pas si t'as déjà vu, c'est un dessin animé, c'est un fantôme en fait. Enfin, c'est un héros de comics. Ouais, ouais, voilà, c'est un comics, ouais. C'est un comics. Et donc lui, il a grandi avec des parents qui, je crois que sa mère était fan de hip-hop. Ouais. Donc il a toujours eu cette culture, donc très pointue de rap. Et très jeune, voilà, il a commencé à faire des prods avec Fruity Loop. Ouais. Et bon, il utilise beaucoup de samples, donc des auteurs qu'on cite là, 36 Mafia, etc. Et puis il a fait pas mal de mixtapes, et il a été connu au moment où ASAP Rocky, donc de ASAP Mob, a percé, donc avec le cloud rap. Donc là je vous renvoie à l'autre émission qu'on avait fait sur le cloud rap, mais ils sont arrivés un peu en même temps. Ouais, en tout cas aux yeux du public. Ils avaient des affiliations en fait, ils ont fait en fait moi ASAP Rocky, il avait enfin Space Ghost Purp avait posé une prod sur la première mixtape qui était la mixtape gratuite d'ASAP Rocky qu'il avait sorti au tout début pour se faire connaître. Il avait même pas fait payer, c'était là où il y avait Peso, il y avait Purple Swag dessus et tout ça. Ouais. Et des featuring aussi en tant que rappeur. Ouais, et il avait featuring en tant que rappeur sur Purple Swag mais chapitre 2, parce qu'il y avait un chapitre 1 où il y avait pas Space Ghost Purp dessus. Voilà, donc à ce moment-là, il y a le cloud rap qui émerge avec des sonorités plus synthétiques, on va dire. Ouais. Dans les deux cas, ils partagent un peu un goût pour la nostalgie. C'est tous un peu des fanas d'anciennes consoles, de comics, de super-héros comme ça. Et dans le cloud rap, ils étaient plus, on va dire, sur une imagerie digitale. Là où le funk, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher de l'ésotérisme. Des hiéroglyphes, ouais. Des choses un peu de l'Égypte ancienne. Ils inversaient des lettres dans les noms pour faire, ça faisait comme des espèces de codés quoi. Ouais. À la place du A c'était un V je crois, et à la place, enfin, je me rappelle plus trop, mais mettre des X et des V à la place, ouais, de certaines lettres. De certaines lettres, ouais, voilà. Et du coup ça donnait des messages codés quoi, c'était marrant. C'était tout un style en fait. Ils sont arrivés avec une image, un style de musique, le style orthographié, ouais. Des vidéos tout, aussi un ouais, peu des vidéos, façon cassette. C'est ça, oui. Beaucoup façon cassette. Et puis aussi une particularité, là ce Greatest Hit que j'ai mis, il a été remixé, parce qu'en fait leur particularité c'était de faire vraiment un son crade, c'est-à-dire vraiment comme si c'était enregistré sur une bande cassette. Voilà. Et du coup ils salissaient tous leurs morceaux, donc rien ne sortait vraiment bien à l'oreille. Enfin, c'était vraiment vieilli quoi. C'était une esthétique, ouais, une esthétique. Exactement. Et faisait un genre de vintage quoi, sur le vintage, comme ça c'était joué sur une cassette. Voilà. Et donc Space Ghost Purp, quand il décide de sortir un album, parce qu'il commence à être connu, il a pris les meilleurs morceaux de ses mixtapes et puis il les a un peu mieux mixés. Du coup, les instruments, elles sont un peu plus dépouillées, elles sont un peu plus audibles. Et mais du coup, c'est devenu un classique et c'est un peu l'introduction à cet univers. Et ça s'appelle Mysterious Funk. On va écouter deux morceaux pour que vous vous rendiez compte un peu. Donc, on a choisi Bringing the Funk. Bringing the Funk, de là où vient le funk, ouais, du coup. Et le morceau suivant, c'est Black God, qui était. Et je vous on n'a pas le temps de tout passer, mais je vous conseille un morceau aussi qui est super bien produit sur cet album, qui s'appelle Osiris of the East. Et vraiment hyper produit, bizarre, mais ça sonne trop bien. Quoi. Toujours les références un peu à l'Égypte ancienne. Ouais, j'avoue. Allez, on écoute ça. Yeah. Nigga, I'ma keep bringing the phone, and you niggas can't stop me. I'ma keep bringing the phone, nigga. I'ma keep bringing the phone, and you niggas can't stop me. I'ma keep bringing the phone, nigga. I'ma keep bringing the phone, and you niggas can't stop me. I'ma keep bringing the phone, nigga. I'ma keep bringing the phone, and you niggas can't stop me. I'ma keep bringing the phone, nigga. I'ma keep bringing the phone. Niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me. Look how she poppin' that ass. When she poppin', it's twerkin' it fast. And you know she all on me. Gotta get straight to the cash. Gotta hustle, get off of your ass. Gotta make that monopoly. Puttin' these niggas on blast. Pimp shit will always last. I'ma pass that hoe to Rocky. Keepin' my mind on the map. Intelligent when I'm in the lab. Scientifically I'm cocky. Profession is all in my craft. Rap niggas be making me laugh. Autograph in Versace. Erection flow hard like a giant. And she caught a nut real quick. Call that hoe Jeremy Shockey. Chillin' with a Puerto Rican. English is what she's barely speaking. Cause I make her say poppy. Yeah, I got that pussy leaking. And the phone got her body tweaking. Ain't no way she can stop me. I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. Niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me, I'ma keep bringing the phone. Nigga, I'ma keep bringing the phone. And you niggas can't stop me. I'm a god, I'm no longer a black man. The black god. I got to have the world in my hands. I'm a god, I'm no longer a black man. The black god. I got to have the world in my hands. I'm a god, I'm no longer a black man. The black god. I got to have the world in my hands. I'm a god, I'm no longer a black man. Black who man. Who be the god of black? That's me, SGP, mystical. Magic colors, my brothers on MTV. The black be the power of the soul, protected by the cold. X times X the G code. And God mode, as I try to expose the robotic hype beast up in the same clothes. Black toes, she looking too trill with the pretty feet. Chilling like a villain, looking pretty in a caddy seat. Damn. Inspired by the black diamond, super fishing X file, shooting star shining. Rare mansion with 35 goddesses. Please tell me who the hottest is. Apocalypse, eclipse, but the world too fake. And I guess it's contagious throughout the whole way. I say my mind on the secret master plan, the black gangrel with the cash in my hand. I got to have the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. I got to have the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. I got to have the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. I got to have the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man, black man. Everybody keep your head up, I know that everybody fed up. See, the world is not a safe place, gotta keep a smile up on your face. Believe in the God of black, gotta believe in the God of black, gotta believe in the God of black. Word up. I'ma say it like this, man. The world ain't a good place to be in if you're not in the right state of mind, you know what I'm saying? So all you gotta do is maintain and stay true to yourself. Love yourself. Believe in yourself. And you will be your own God. Your own God. Your own God. And the universe will make your life better. Have faith. Always think positive. Be strong. Words from the black God. Power. I got to have the world in my hands. I'm a god. I'm no longer a black man. I got to have the world in my hands. I'm a god. I'm no longer a black man. Black man. I got to have the world in my hands. I'm a god. I'm no longer a black man. Black man. I got to wrap the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. I got to wrap the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. Black man. I got to wrap the world in my hands, I'm a god, I'm no longer a black man. Yeah. Vous êtes bien de retour dans les bons crus avec Jérôme et moi-même, Julien. On a écouté donc les morceaux de Space Ghost Purp, extraits de l'album The Mysterious Funk. Sorti donc 2012. 2012, ouais, ça me semblait un peu plus... Ça 14, paraît plus ancien. Fait, ouais, ça, 2012, ouais, putain, je pense que c'est vraiment le début, quoi. Ouais, c'est vraiment au tout début, en fait. Mais en fait, ça fait quand même 4 ans qu'il fait du rap à ce moment-là et qu'il avait déjà sorti... Full mixtape avant. Ouais. Ah, et donc, ce qu'on n'a pas trop dit, c'est que comme le cloud rap... Il mettait tout sur SoundCloud et Bandcamp beaucoup. Donc ouais. Autoproduit, hein, c'est voilà, ouais, tout ça c'est autoproduit. À part celui-là, c'est un album studio, hein, celui-là, The Mysterious Funk, c'est un album studio. Ouais. C'est là, il a signé avec une majeure pour le pouvoir le sortir. Ouais, je crois que c'était Jive, je sais plus, je crois, mais enfin, il avait signé un truc d'ailleurs qui n'a duré que un seul album, parce que le mec est un peu bipolaire. En fait, on n'a pas expliqué, mais le Rider Clan, donc pourquoi ça n'a pas marché comme on aurait pu l'espérer, parce qu'ils avaient toutes les bonnes bases avec des rappeurs, tout un concept et des rappeurs plutôt expérimentés et affûtés, et ça aurait très bien pu marcher comme ASAP Mob ou comme Haute Future, mais en fait ce mec Space Ghost Purp, qui a donc eu le génie finalement de créer ce truc là, tout ce concept, et l'a aussi détruit lui-même en fait. Donc il a commencé par se disputer, enfin à se biffer avec ASAP Rocky pour l'histoire d'un vol de lyrics sur le morceau Goody. Pour ceux qui connaissent ASAP Rocky, c'est un de ses morceaux qui est très connu. Et aussi également en même temps que apparemment les mecs d'ASAP Rocky et ASAP Rocky auraient agressé le cousin de Space Ghost Purp. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Et en fait, il s'est lancé dans une espèce de croisade contre lui, contre tout ASAP Mob, plus d'autres gens annexes. Et je pense qu'il était focalisé sur ça, c'est-à-dire pour des préjudices. Ouais. Il s'est focalisé sur ça et tous les gens qui étaient autour de lui, ça les a un peu saoulés en fait, au final. Et puis il a été diagnostiqué bipolaire, donc c'est un mec qui change de nom tous les deux jours et tout, il est pas très stable. Donc les gens commencent à s'écarter un peu de lui et le mouvement un peu Rider Clan, c'est comme un soufflé, quoi. Ça retombe et puis il a pas percé finalement comme il aurait pu, quoi. Tout ça à cause de ses clashs, il s'est même fait clasher après par... Par les ex-membres, en fait. Voilà, par Denzel Curry, les ex-membres et tout, tellement il était fou, quoi. Et à un moment donné, ils étaient quasiment une centaine, donc pas que des rappeurs. tout ce qui gravite autour, des vidéastes, ouais. des producteurs, etc. Et les plus talentueux se sont éloignés de lui, dont par exemple Denzel Curry, dont on va parler. Ouais. Nel, il est sorti, c'est un des premiers aussi qui est sorti du crew. Ouais, il est sorti aussi. Après, t'as Xavier Wolf aussi qui est sorti voilà. du crew. Qui a changé de nom en plus. Ouais, avant il s'appelait Hazel Wolf et maintenant il s'appelle Xavier Wolf. Donc il a chanté Denzel Curry. Ça commence à en faire. Chris Travis aussi est sorti du groupe. Beaucoup de gens sont sortis du groupe. Après, Nel, je sais pas s'il est pas encore un peu affilié parce qu'on en parlera après, mais il a ressorti un truc Rider Clan Résurrection ou un truc comme mais... ça. Récemment, il y a eu des annonces de réunification du crew. Même Space Ghost Superb a sorti un morceau où il rendait hommage à Azep Yams, donc le fondateur du Azep Mob qui est mort il y a quelques ouais, années. Alors qu'il l'avait... Qu'il l'avait clashé. Donc il revient un peu sur ses paroles. Mort, ouais, voilà. Il revient sur ses paroles. Ouais, il essaie de faire la paix avec eux. Voilà, donc on va un peu présenter les autres membres. Donc on parlait de Nel. Nel, ouais. Nel ou enfin N3LL, enfin je sais pas, ça dépend comment ça s'orthographie. Quand ouais. c'est codé, c'est avec un 3 au lieu du E. Ouais, voilà, voilà. Donc en fait, lui, il fait partie du Rider Clan. Il a commencé à sortir des trucs vers 2013. C'était en fait quelqu'un qui était quand même assez productif et présent dans le Rider Clan. Mais il a écopé d'une grosse peine de prison et il est sorti qu'en 2016 et la vague était un peu passée. Donc bon, il a essayé de s'adapter et final en 2018 il avait annoncé qu'il sortirait un album en 2018 et il a sorti un truc qui était franchement pas au niveau du tout, avec de l'autotune mélangé, enfin c'était plus du tout de la funk comme il faisait, c'était un truc emprunté un peu, on aurait dit qu'il était pas trop à son aise, il patauchait un peu dans la semoule je trouve, et il a vu que son public avait vraiment pas reçu le truc, il a carrément supprimé de toutes les plateformes genre, mais très rapidement après, donc le truc est trouvable bien sûr, parce que c'est les internets, mais sur son SoundCloud il n'y a pas, sur Deezer machin, tout ça il n'y a pas, et il a sorti juste après, au mois de juin, là c'était début 2018 donc il avait sorti cet album, et juste après au mois de juin il a tout effacé et il a sorti ce Rider Clan Revival qui est un peu résurrection je crois ça s'appelle, qui est un peu en fait dans la lignée de toutes ces belles années funk d'antan, assez efficace, et il a ressorti encore un single là qui était aussi dans la même veine au final, donc il s'est peut-être recentré un peu. Nel, c'est un de ceux qui rappe le mieux, on peut dire. Ouais, clairement je trouve que c'est l'un de ceux qui rappe le mieux, et de ces rappeurs de Floride, parce qu'en fait ils sont composés Rider Clan un peu de Memphis et un peu de Floride, et du coup lui il est né à Carol City, donc c'est vraiment en Floride, c'est pas loin de Miami, et d'un côté t'avais à la même époque qui s'opposait Rick Ross avec le Port of Miami machin tout ça, et puis eux leur petit groupe de trucs underground avec leur son funk et tout, donc c'était vraiment deux écoles ouais. quoi. Mais d'ailleurs on en parlera juste après, mais donc on va passer, bon on en parlera après, on passe un morceau de Nel et puis on revient avec Denzel Curry. Yeah. Smoking, I pulling up purple drinks. I'm smoking, I pulling up. Purple drinks up in my cup. I'm smoking, I pulling up. Purple drinks up in my cup. Words of the pimp contradicting y'all to hit the butt. I get the buzz. I'm smoking, I pulling up. Purple drinks up in my cup. I'm smoking, I pulling up. Purple drinks up in my cup. I'm smoking, I pulling up. Purple drinks up in my cup. Words of the pimp contradicting y'all to hit the butt. I get the buzz. Purple drink, purple dank. All black, everything purple. Paint. Molly popping, panty dropping, bitches flooding like a tank. On the gang, burning that stank. To the wind, is this a sin? I'm trying to win and do it again. 10 centuries in, is this the kin of me? Hennessy to the face. I don't even drink, but they getting buck up in the place. To my reaction, I be acting up off the haze. And these niggas know I'm from 94, that's the year of the slow. But I'm digging the gold out of the mine. Nigga, my mind out of this world like Optimus Prime. On Jupiter, nigga, I mastered the rhyme. The future is near, but that shit just remind me that death is just destined to find me. Like, where do I hide? I wonder if God would care if I cry. Like, what is a sob? I think I forgot. As I take a hit, wait a bit, hold it, then delay a bit. Like, fuck that, time I get paper rich. Like Oprah, I'm getting older, so I can't wait for life to pass me by. My niggas is down to ride. We gon' be hard to find, like. To the memoir of my niggas, them. Most of them victimized because the daily crime crackers be bamming and sending them down to the county, face down on the pavement. Blackland, Carroll City, my visual is the same shit. To the same little niggas going to the candy lady 25 for that frozen cup. Crackers be thinking they trapping, just posting a charger until they are ready to jump. Jump out the jumper, no pulling your gun out, you better be sprinting the other way. Throw out the fight, get caught by the now, run through alleyways all in Cherry Bay. It's real in the field, either kill or be killed like BG, so it got a grip on the tech. So my nigga China Man took my nigga PJ and Trey for a hot damn. Who next on the YT? Born and raised on the zone 3, Blackland right by the 199. Pull out the stick if you bout that life. See niggas run the road, be toting that eye, run down. Catch a nigga by sundown or downtown when he think the shit is serene. Got that boy when they shot that boy, then they put him in the trash when they slide by the beast. Swerve, soon as I peel off the curb, burn the evidence, then the nigga hide. Take 27, nah nigga, fuck that, let's take that chance on the I-95. Popping that sick as shit with a bomb and spit and a 666 with a twist and twirl. If you survive from a side drive by, they'll leave you with numbs like the Powerpuff Girls. I get so high, stay so high until I see the face of God. Welcome to South Florida, let that AK rip on the whole damn squad, bitch. Bitch, I'm from that zone 3, that black land, CC, that zone 3, that black land, CC, that zone 3, that black land, CC, that zone 3, that black land, CC, Yeah. Toujours dans les bons crus, on continue cette soirée spéciale funk avec Denzel Curry. Ouais, on a continué avec Denzel Curry. Donc, ce que je disais juste avant de balancer le morceau de Nell, c'est qu'on parlait de Rick Ross. Et finalement, Denzel Curry est un de ceux qui a le plus explosé. Membre du Ryder Clan, il a fait un featuring justement avec Rick Ross. Donc voilà, ils ont quand même représenté Miami ensemble, alors qu'ils sont totalement à l'opposé dans leur style. Mais totalement. Mais on a pu entendre là sur donc, ces Zone 3 de Nostalgic 64, donc sa première mixtape. C'est son premier album. Premier album, pas mixtape. C'est pas un mixtape. Il avait sorti une mixtape en 2011 qui s'appelle King Remembered, excuse-moi. Et du coup, celui-là, c'est son premier album studio, du coup, enfin officiel. Ouais. C'est sorti en 2013. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, lui, il est dans un style plus énervé. C'est plus la guerre que les autres, qui sont plus laid-back, plus dans des styles un peu screwed juste avant sur Nell. Enfin voilà, là, c'est vraiment... il kick beaucoup plus rapidement et tu parlais de l'influence De Bone Thugs and Harmony, ça s'entend hein, dans le flow, je trouve. Après je peux me tromper, il me dirait pas du tout, mais pour moi ça sonne comme des petits triolets dans la Bone Thugs and Harmony, quoi, tu vois. C'est pour moi des trois temps comme ça, assez rapide et tout, tu vois, saccadé là, je trouve que ça ressemble. Après, donc Denzel Curry de Miami aussi, Carol City pareil, et Nostalgic 64, donc quand on voit la pochette, c'est un espèce de pharaon aussi. Et référence à la Nintendo 64, donc toute cette culture un peu, avec le mot nostalgique. Donc il est vraiment dans le funk, lui, dans tous les codes. Il s'en est éloigné là sur les derniers albums. Ouais, carrément, mais depuis qu'il a marché, en fait, il s'en est éloigné. Il s'est éloigné du Ryder Clan déjà. Ouais, en 2014, là, il fait un EP qui s'appelle... Ferdy Doozell et Planet Shroom, où il y a dedans son morceau qui l'a vraiment fait connaître, qui s'appelle Ultimate. Voilà, et Ultimate qui l'a gardé sur l'album qui est sorti après avec Imperial. Imperial. Et en dernier, là, je crois qu'il a sorti son dernier, c'est Tattoo, non ? Ouais, Tattoo et Tabou. Ouais, Tattoo et Tabou, c'est ça. Ouais, c'est son troisième album studio, du coup, celui-là, par contre. Où il est maquillé comme un clown. Et il parle de dépression, il crie beaucoup. Lui, il a aussi des influences plus rock, un peu plus... Carrément. Enfin, quand on dit rock, vraiment tout ce rock un peu, pas suicidaire, mais dark, sombre, toute cette ambiance que je connais assez peu, je pourrais pas trop vous en parler, mais voilà, on pense à Marilyn Manson, ce genre de choses. On pense un peu comme on en avait parlé la semaine dernière sur... Rich the Kid, il me semble, non ? Voilà. Non, le Trippie Redd. Trippie Redd, excuse-moi, putain. Sur Trippie Redd, avec les ongles peints, les machins et tout, ça fait tout le côté emo, quoi. Ouais, un peu, mais pas fiotte, quoi. Et emo guerre, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Emo dark. Dark, totalement. Voilà, on va passer à d'autres membres. On va un peu voir. Donc Ethel Wolf, Xavier Wolf. Ouais, Xavier Wolf, qui s'est rebaptisé Xavier Wolf. Donc du coup en 2013 quand il a sorti son album Sitting Wolf. Un beau jeu de mots, j'ai trouvé. Donc lui il va incarner avec Suicide Boys, un groupe qui va arriver après. Avec Bones, excuse-moi. Bones, mais aussi il en a fait un aussi avec, je sais qu'il a fait trois albums avec Bones, et après il est peut-être affilié. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec cette Suicide Boys qui vont arriver après, donc deux cousins, je crois, qui arrivent, qui ont renouvelé un peu le funk, le style. Ouais, au final, ouais. Et qui l'ont perpétué là où le Ryder Clan s'est petit à petit. En fait, je pense qu'ils sont influencés par les mêmes personnes, en fait. C'est pour ça que ça ressemble. Ils sont influencés Three Six Mafia et tout ça, donc du coup. Et donc ce mec-là avait fait là sous sa première mixtape, en tout cas là, que le morceau dont on va parler était sorti en 2012. Donc du coup il avait fait ce truc qui s'appelle The Wolfgang Rodolphe, et c'était sa première mixtape qui sonnait vraiment vraiment funk. Maintenant si vous écoutez Xavier Wolf, il a bien sûr évolué, et il a fait pas mal de trucs aussi avec tous ses copains de East Memphis Maniac là. Il en est quand même à son 9e album, donc du coup il a pas mal roulé sa bosse, sa bosse, il est productif, et il fait moins de funk, mais un autre vers son style personnel en fait finalement hein, c'est plus, ça ressemble plus à du rap de Memphis, enfin toujours, parce que c'est un mec qui est né à Memphis, donc il fait du rap de Memphis, il est vraiment influencé aussi puisqu'il est de là-bas et c'est pour ça que je pense qu'il s'est reconnu aussi un peu dans tout ce dans trip ce clan, du Rider, ouais. Rider Clan ouais. Et le titre qu'on écoute c'est Watch Your Back. Watch Your Back. Got a road to the bag, got on my property and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Got a road to the bag, got on my property and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Got a road to the bag, got on my property and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Got a road to the bag, got on my property and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me. In them licks with a clip that don't give a shit about shit, but a clip and a grip just post, don't deal when I get a signal, nigga, peel that bitch, we do this shit, gotta get away quick, hit a fence, I'ma ditch that bitch, that's this, gon' this, ditch up in the shit, shoulda never said shit, stupid ass trick, gotta get him quick, I'm out, nigga, no doubt about it, you better not shout out my key, you no doubt, and I doubt if you really can get out with my foot in your mouth, impossible, nigga, so fucking chill out. To the bag, count on my profit and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Gotta roll to the bag, count on my profit and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Gotta roll to the bag, count on my profit and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Gotta roll to the bag, count on my profit and energy stack. Gotta watch my back, see you later. He out to rob me, fools. Thank you. nigga and turn it to Jack's bitch. Vous êtes de retour dans les bons crus. On vient d'écouter Chris Travis du projet Side Effects. Ouais, Side Effects, c'est un EP. Ouais. Le morceau, c'est Get High. Tout à fait. Et donc, membre aussi du Rider Clan. Ouais. Donc, le dernier qu'on présente ce soir. Ouais, mais c'est du côté Memphis, lui. Voilà. Parce qu'il est né carrément à Memphis, enfin à Orange Mound, à Memphis, Tennessee. C'est un quartier, je crois. Exactement. Et en fait, il a fait partie du Rider Clan en 2011, pour faire rapide, hein. Et il fait aussi partie du groupe avec Xavier Wolfe, qu'on avait écouté avant. Qui est aussi de Memphis. Ouais, donc, qui s'appelle Memphis Boys. Voilà. Donc lui, il a un style qui se rapproche de celui de Space Ghost Purp. Ouais, dans la façon de rapper. Un peu moins de 3 temps. Et ouais. Plus d'un peu de. Ouais, de mâchouiller un peu, tu sais. Tu vois, et puis de. Ouais. Un peu. C'est ça, c'est ouais. De raconter les trucs comme ça un peu. C'est ouais. Un peu ça, dans l'idée. Et donc, là, en fait, il avait sorti ça en 2013. Depuis, il a sorti multitude de morceaux et d'EP et de mixtapes. Et son dernier album est sorti en juin, qui s'appelle Waterworld. Il est plutôt fidèle à lui-même. Ça reste à peu près dans la même veine. C'est pas si mal. Voilà. C'est pas le meilleur non plus, mais. Non, mais c'est un des membres fondateurs. C'est pour ça que j'ai mis avec Space Ghost Purp, parce que ça fait partie des piliers, quoi. Et lui, qui est pour l'instant toujours. Singularisé avec le Rider Clan pour l'instant, il est pas parti quoi. Voilà, donc on boucle un peu là sur le Rider Clan, donc vraiment ils ont créé le genre, on peut le dire. Voilà, funk. Il y en a d'autres qui en parallèle ont fait une musique un peu similaire, qui peut notamment Lil Ugly Mane. Donc lui c'est un artiste un peu, il a plusieurs alter ego, il a plusieurs, plusieurs noms d'artistes. Il est producteur, rappeur aussi. Mmh. Et puis, à un moment donné, il est arrivé aussi avec les mêmes influences et le même type de son. Il a sorti un peu une mixtape un peu culte. Ça s'appelle Mr. Thug Isolation. Donc ça, c'est sorti en 2013, il me semble. Donc, c'est son album culte. Et lui, il a fait quelques featuring aussi avec des mecs du Rider Clan, notamment Denzel Curry. Ouais, parce que on en parlait en antenne juste avant. Et... Donc je voulais aussi parler de lui parce que voilà, c'est un album qui a marqué son époque, toute cette période. Donc c'était 2012, hein, je me suis trompé. Et les mêmes influences, un son. Après lui, c'est un peu plus pointu, c'est plus jazzy. Il avait une autre façon de construire les prods. Et c'était aussi marqué par plus des références gangsta rap dans le vocabulaire okay. aussi. Genre, il y a des chansons, il utilise le mot Mac souvent. Enfin, voilà. Un peu dans cet autre langage que celui de Memphis. Ouais. Donc, le vieux gangsta rap. Soit du sud, un peu à la Houston. Avec, avec UGK et tout ça. Avant UGK, Scarface et tout voilà, ça. Scarface et tout ça. Ouais. Et puis West Coast, voilà. Donc, on va écouter deux morceaux, hein, qui s'appelle Serious Shit et l'autre c'est Throw Them Guns. Et puis vous allez pouvoir voir un peu la différence entre Ryder Clan et le Ugly voilà. Man. Et après, lui, il a continué la musique sous plein d'autres blazes, mais c'est Lil Ugly Mane le plus connu. Ouais, Lil voilà. Ugly Mane, autant pour moi. Et puis sa voix, on s'imagine pas comme ça, mais en fait, il a plus un style de rocker. Il est blanc, les cheveux très courts, un peu tatoués et tout. Et... Enfin voilà. C'était un peu un mystère ce mec, et puis petit à petit on commence à voir qui il est et tout ce qu'il a fait dans la musique quoi. Okay. Tourniquet, I'm murderous. My crib got more burners than furnishings. Got a lot of haters, not concerned with it. The earth revolve around earning currency. Copernicus, I leave you scared, stupider than Ernest is. Plucking more chickens than the churches is. Always looking fly, boy, I'm merciless with purchases. Police ain't nothing, you can bet I beat the verdict, bitch. Cause I'm more connected than the alphabet and cursifix. Wallet like Webster, killer like Dexter. Your bitch looking at me, well I guess I'm on the sexer. Ugly stay rougher than the texture. If you players want that funk, I'm that fly shit expert. I'm worse than as long as scripture verses. I'm about to hit this perk and run it through your mother's purses. You cats is yellow with this stone ground mustard. Ugly mane is stone ground up and reconstructed. Glocks, I'ma bust them. Pussy, I'ma crush it. Plus, I stay luxurious. You bitches are disgusting. Getting money fast, that's my modus operandi. I've been ice cold since the night I saw my man die. Bullets knock you on your ass, you swore I was a landslide. Ugly, I ain't a boss, hell no, that's a damn lie. Going after all the true players. Fuck these diva ass, old buzzer ass, slow ass bitches, you heard me? Motherfucker, true gangster shit. Where the motherfucking thugs, playboys, feel me? Real life money getting. Uno, Trey, throw away, motherfucker, blast. Talk all that shit, motherfucker, ain't got nothing to motherfucking say when this bullet flying at your motherfucking bitch ass head, you feel me? Real other man, serious shit. 21W, you heard me? Coming out from the other side, bitch. Yeah, motherfucker. Little minded bitch. What's up? Coming you with that real. Ready to put it down on all these hoes, you heard me? Hey. Switch to the zones where I'm from. Yeah, I'm getting dumb. Yeah, I'm feeling numb. When that herb fill up in my lungs. My swagger acting foul, blacking out. Roofie up my absinthe in the club before I stagger out. Live or die, I'd rather take the ladder out. Take the ladder out. Rope around my neck and kick the ladder out. There's no need to drag it out. 28 grams, gotta bag them out. Standing in the rain, feeling bad about the mamas losing jobs over the rocks that I'll be passing out in vast amounts. Fast as I can trash and ounce, the first to come, the last to bounce. Counting pens, just put the block into a frenzy. The Glock is my appendage, I will pop you out the Bentley. Never catch a player acting friendly. Talking to the devil like he sent me. Boy, if you got big guns, throw 'em up, break that hoe, split that Dutch, stick 'em up, bitch, stick 'em up. We don't give a fuck. Got some scribbles, let 'em know. Stack your money, sniff that blow. Tell me how that pussy hitting, bitch. You know I keeps it low. Et on arrive à la fin de cette émission consacrée au funk, au funk pardon, funk. Donc là c'était Lil Ugly Mane avec Throw Them Guns. Donc écoutez la mixtape Mista Thug Isolation 2012. Voilà, après il est parti dans d'autres délires, etc. Et donc en parallèle aussi du Rider Clan, il y a eu un autre mouvement qui a découlé du funk. C'est une version plus instrumentale. Et un des architectes de cette musique, c'est DJ Smokey. Donc lui, en fait, il devait produire un album pour Xavier Wolf, dont on a parlé au début de l'émission. Donc ouais. Lui, c'est un Canadien, il vient de l'Ontario. En gros, il commence à faire des prods quand il est au lycée. Il se fait choper avec de la drogue. Il risque une félonie. Ah oui. Donc c'est chaud. Ouais, c'est parce que c'était une tonne. Enfin non, pas une tonne. Si, 1 pound, c'est... Un kilo. Voilà, un kilo. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà énorme. Au lycée, en plus, donc voilà. Donc du coup, il décide de se lancer à fond dans la musique, et là, il se connecte avec le Rider Clan, qui a un peu les mêmes influences que lui, parce que lui, il adorait le son du Texas. Il était à fond, voilà, tout le Dirty South et tout, et il faisait des prods comme ça. Et puis, il devait produire un album pour Xavier Wolf, et ça, c'est pas fait. Du coup, il a gardé les prods et puis il a utilisé des samples, donc notamment de la Swiss X Mafia, donc ouais. Toujours les mêmes références. D'ailleurs, on va écouter un morceau qui s'appelle Kill at Will de sa première mixtape, Evil Wales, qui va le faire connaître un peu au monde un peu de l'internet, quoi, et à tout ce style funk. Et dessus, il y a un sample donc de Mystic Styles, donc ouais. L'album culte de Swiss X Mafia. Ouais, ouais, carrément. Et un sample. Il y a l'autre aussi, mais c'est vrai que celui-là, c'est le plus ancien, le cultissime. Ouais, c'est vrai. Et il y a un sample de Day of the Dead. Donc, je crois que c'est un des films. Enfin, je sais plus c'est quel numéro, mais c'est toute la série des zombies. Ouais. Donc voilà, film d'horreur. Influence Memphis, donc on est vraiment dans le funk aussi, et comme ça le truc de bidouiller, et donc voilà, DJ Smokey lui va continuer comme ça, et puis il va un peu se passer des rappeurs et faire une musique de plus en plus instrumentale. Et aujourd'hui on trouve des chaînes YouTube consacrées à ce style, il y a plein de mecs qui sont derrière qu'on perpétue le style. Donc en France il y a des mecs comme Soudière, comme NXXS, enfin voilà, il y a ça a continué comme ça. Donc on écoute ce titre et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao. Ha ha ha ha!